Sombre est la nuit, un éclair luit, un homme fuit, la mort suit, un corps tombe dans la tombe, et catombe sans un bruit. Fille folle, que l'on vole, que l'on viole, et qui crie meurtre infâme d'une femme qui rend l'âme, c'est maquis. Une houle dans la foule, une goule qu'on spolie dans un antre, on éventre, quelqu'un entre, c'est maquis. Cambriole, l'or s'envole, l'on s'affole, frénésie. Sacoche, l'on s'approche, c'est maquis. Le feu brille et brasille, les gens pillent, incendie. Le délire, on expire. Puis un rire, c'est maquis. Un éclair luit et la mort suit. Un homme fuit sans un bruit.